Jean Richepin, les oiseaux de passage. C'est une cour carrée et qui n'a rien d'étrange. Sur les flancs, l'écurie et l'étable au toit bas. Ici près, la maison. Là-bas, au fond, la grange. Sous son chapeau de chaume et sa jupe en plâtras. Le bac où les chevaux, au retour, viendront boire. Dans sa berge de bois est immobile et dort. Tout plaqué de soleil, le purin à l'eau noire, lui le long du fumier, gras et pailleté d'or. Loin de l'endroit humide où gît la couche grasse, au milieu de la cour, où le crottin plus sec, riche de grains d'avoine, en poussière sans tasse. La poule l'éparpille à coups d'ongles et de bec. Plus haut, entre les deux brancards d'une charrette, un gros coq satisfait, gavé d'aise, assoupi, hérissé, l'œil mi-clos recouvert par la crête, ainsi qu'une couveuse en boule est accroupie. Des canards hébétés voguent, l'œil en extase, on dirait des rêveurs, quand soudain s'arrêtant, pour chercher leur pâture au plus vert de la vase, ils crèvent d'un plongeon les moires de l'étang. Sur le faîte du toit, dont les grises ardoises montrent dans le soleil leur écaille d'argent, des pigeons violets, aux reflets de turquoise, de recoulements sourds gonflent leur col changeant, leur ventre bien lustré, dont la plume est plus sombre, fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail, et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre, semblent sur du velours des branches de corail. Au bout du clos, bien loin, on voit paître les oies et vaguer les dindons noirs comme des huissiers. Oh, qui pourra chanter vos bonheurs et vos joies, rentiers, faiseurs de l'art, philistins, épiciers. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir. C'est-à-dire que, onc, elle n'eut de souhait impossible. Elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Elle ne sentit pas lui courir sous la plume de ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil pour aller voir la nuit comment le ciel s'allume et mourir au matin sur le cœur du soleil. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie. Toujours, pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en avoir plus, ou bien d'en avoir 2. Aussi, comme leur vie est douce, bonne et grasse, qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés, 5%, quel bonheur de dormir dans sa crasse. De ne pas voir plus loin que le bout de son nez, n'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, posséder pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti 10 ans. Oh, les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol. En forme de triangle arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol. Les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte qui brise les soupirs de leur col redressé et sautent dans le vide avec une culbute. Les dindons, d'une voix tremblotante, ont gloussé. Les poules picorant ont relevé la tête. Le coq, droit sur l'ergot, les deux ailes pendant, clignant de l'œil en l'air et secouant la crête, vers les hauts pèlerins, pousse un appel strident. « Qu'est-ce que vous avez, bourgeois ? Soyez donc calme. Pourquoi les appeler sots ? Ils n'entendront pas. Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes, crois-tu que ton fumier est pour eux des appâts ? Regardez-les passer. Eux, ce sont les sauvages. Ils vont où leur désir le veut, par-dessus mont, et bois, et mer, et vent, et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les, avant d'atteindre sa chimère, plus d'un, l'aile rompue et du sang plein les yeux, mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous, mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout les fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Ils sont maigres, meurtris, las, harassés. Qu'importe, là-haut chante pour eux un mystère profond, à l'haleine du vent inconnu qui les porte. Ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes. Ils vont. La bise contre leur poitrail siffle avec rage. L'averse les inonde et pèse sur leur dos. Eux dévorent l'abîme et chevauchent l'orage. Ils vont loin de la terre, au-dessus des badauds. Ils vont par l'étendue ample, roi de l'espace, là-bas. Ils trouveront de l'amour, du nouveau. Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau. Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve. C'est l'horizon perdu, par-delà les sommets. C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève, où votre espoir banal n'abordera jamais. Regardez-les, vieux coqs, jeunes oies édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux. Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.